Selon le journal d'Internet sud-coréen Tongil News, les formations civiles et sociales sud-coréennes comme les gens pour la paix et la réunification et l'Institut du problème national ont commencé le 12 la manifestation contre la cérémonie commémorative consacrée à la fondation des forces d'autodéfense japonaises organisée à Séoul. En outre, le journal d'Internet sud-coréen La Voix du Peuple a fait paraître le même jour un éditorial contre la rénovation de la constitution de paix du Japon.